Chapitre 5e, le pont Gol. Tandis que le Purohita se félicitait avec ses collègues de la pieuse résolution qu'avait prise Devadatta, celui-ci restait à Kumbakonam assez indifférent à la sainteté du lieu, et tout simplement pour s'y reposer des fatigues d'une longue marche. Il s'était bien donné de garde de se plonger dans les eaux malpropres de l'étang. Il ne se croyait entaché d'aucune souillure, et d'ailleurs, il lui devenait de plus en plus impossible de se conformer aux préceptes de l'idolâtrie. La pensée de se remettre sous le joug de la religion chrétienne se présentait quelquefois à son esprit, mais il la repoussait comme une faiblesse, et il évitait de diriger ses pas du côté du village de Tiribelli, dont le nom seul troublait son cœur. Devadatta avait alors 20 ans. Il y a dans la jeunesse de ces moments où la liberté d'agir et de penser apparaît comme le plus grand des biens. Cependant, il fallait prendre un parti, rentrer à Chilimbaram parmi les brahmanes ou chercher ailleurs des moyens d'existence. Dégoûté de tout au début de la vie, inquiet de l'avenir, ennuyé du présent, Devadatta s'abandonnait à des accès d'une mélancolie sauvage qui s'exaltait encore dans la solitude. Il éprouvait le besoin de se créer un rôle actif au milieu de ses semblables, mais dans ce monde qui l'entourait, il ne rencontrait que des intelligences assoupies et comme embourbées dans les traditions confuses que les siècles ont accumulées sur le sol de l'Inde. Un soir, errant au bord d'un ruisseau, il aperçut un hindou agenouillé dans l'herbe qui se penchait pour aspirer l'eau au travers d'un linge posé sur sa bouche. Il s'approcha de lui. « Tu appartiens à la secte des Jaina, toi qui crains d'avaler quelque être vivant contenu dans l'eau de ce ruisseau ?»« Oui, » répondit l'étranger sans se troubler. « Tout ce qui a vie est divin. La matière ne possède-t-elle pas la qualité d'être éternel, puisque ce qui existe a toujours existé et existera toujours ? Vous autres brahmanes qui vous dites orthodoxes, vous avez inventé des symboles ridicules et repoussants. Vous fatiguez de vos prières, vos dieux inutiles. Dieu, car il n'y en a qu'un, Dieu, qui est l'âme suprême, ne prend nul souci de nos actions. Que lui font nos vertus et nos vices ? Après la mort, que devient l'homme ? Demanda Devadatta. L'homme ne meurt pas, répliqua le Jaina. Il recommence une autre vie, et selon que ses actions ont été bonnes ou mauvaises, il monte ou descend dans l'échelle des êtres. Celui qui pourrait atteindre un état parfait de pureté, mais il n'y en a plus de nos jours, finirait par s'absorber dans le grand tout. Et alors il cesserait de tourner dans le cercle des existences terrestres. Ayant ainsi parlé, le Jaina s'éloigna à pas lents, dans l'attitude d'un sage qui a le sentiment de sa supériorité. « Si ce que dit ce sectaire est vrai, » pensa Devadatta, « le dernier mot de cette vie sans cesse renouvelée sera le néant, et la vertu n'aura d'autre récompense que de nous y faire arriver plus vite. Idée consolante, en vérité, et bien faite pour soutenir l'homme dans ses jours d'angoisse et de douleur. » Ainsi songeait Devadatta, en proie au découragement. Il écrasait sous ses pieds avec une colère concentrée les petits insectes qui se mouvaient dans l'herbe, comme si ces pauvres êtres étaient responsables du dogme de l'anéantissement final tant prôné par les Jaina. « Mourez !» disait-il avec un sourire ironique. « Mourez, créatures informes, pour renaître encore. En vous détruisant ainsi, je hâte le moment de votre délivrance. » Et il allait toujours, suivant le bord du ruisseau profond et encaissé qui roulait au milieu des pierres ses eaux écumeuses. Une solitude profonde l'environnait. La nuit s'étendait sur les campagnes coupées de buissons arrondis et de palmiers élancés, dont les panaches, agités par la brise, semblaient autant d'oiseaux battant de l'aile. Les chacals commençaient à glapir autour des villages. C'était l'heure où une vague terreur s'empare de l'esprit des timides hindous, et Devadatta, qui cherchait à s'élever par la pensée au-dessus de ce monde de misère, en sondant les problèmes de la vie et de la mort, éprouvait, lui aussi, une secrète épouvante. Tout à coup, des feux de joie éclatèrent au milieu des pagodes que renferme l'étang de Kumbakonam, et des cris joyeux se firent entendre. On célébrait la grande fête du solstice d'hiver, la fête du Pongol. Le mois qui précède cette époque si vivement attendue, mois entièrement composé de journées fastes, venait enfin de s'achever, et les hindous, délivrés des craintes qui les avaient assiégés durant ces terribles semaines, s'abandonnaient à la plus bruyante allégresse. Le premier des 3 jours consacrés à cette fête, on se visite, on se fait des présents. Ce ne sont partout que divertissements et plaisirs. Il y a donc des gens heureux, des gens qui s'amusent dans ce monde de douleur et d'ennui, se dit Devadatta en se dirigeant vers le village. Une nouvelle année va commencer. Qu'y a-t-il donc là de si réjouissant ? Il se mit à parcourir le village, et l'aspect des visages rayonnants de bonheur lui fait faire un retour sur lui-même. « Deux fois, j'ai connu la joie, pensa-t-il, dans l'austérité et dans les plaisirs, auprès du Père Joseph et dans les pagodes de Shilam Baram, dans le bien et dans le mal. L'homme peut donc se lasser de tout, de la vertu et du vice. Aujourd'hui, toutes ces démonstrations me fatiguent et m'irritent. Je n'ai plus de famille, je suis sans amis, aucun lien sérieux ne m'unit au Purohita, qui a voulu m'attacher à lui par un mensonge. Celui qui m'unissait à mon premier maître et aux gens de Tiruvelli était jamais rompu. Sur cette terre de l'Inde, qui est ma patrie, me voilà seul. » Ces amères réflexions lui arrachèrent quelques larmes. Quand tout était en fête autour de lui, il demeurait plongé dans une rêverie douloureuse. Le lendemain, il y eut dans le village une animation plus grande encore. C'était le jour où l'on célèbre le premier pas que fait le soleil vers l'hémisphère boréal. Les femmes mariées vont se purifier dans des étangs où elles se plongent avec leurs vêtements et, sortant de l'eau toute mouillée, elles font cuire en plein air du riz mêlé avec du lait. Il faut voir toutes ces mères de famille penchées sur le vase qui chauffe, guetter le premier signe d'ébullition. Dès que le riz commence à bouillir, de grands cris retentissent et les mots « Pongol, oh Pongol, il boue, oui, il boue », répétés par toutes ces voix féminines, annoncent à la population impatiente la fameuse nouvelle. Chaque femme alors enlève le vase où le riz a bouilli, on le porte dans le temple, devant l'idole, à qui l'on offre une partie de cette nourriture sacrée. Une autre partie est donnée aux vaches, et les gens de la maison se partagent le reste. Alors on se visite encore, on s'aborde, en se demandant si le riz a bouilli, et chacun de répondre avec exaltation « Pongol, Pongol, il a bouilli ». Le jour suivant, les femmes cèdent la place aux hommes, et une nouvelle cérémonie s'accomplit, plus variée, plus divertissante que celle de la veille. Dans un grand vase rempli d'eau, on jette de la poudre de curcuma, de la graine de l'arbre appelée parati et des feuilles de margousier. Après avoir bien mêlé ensemble ces trois substances, on en arrose les bœufs et les vaches dont on fait trois fois le tour. Tous les habitants de la maison, moins les femmes qui sont exclues, se placent successivement aux quatre points cardinaux, exécute quatre fois devant les animaux qu'ils viennent d'asperger la grande salutation, qui consiste à se prosterner à terre de tout son long. Puis, on s'applique à peindre les cornes des vaches de toutes sortes de couleurs. On leur suspend au cou des guirlandes de feuillage vert entremêlées de fleurs. À ces guirlandes sont attachés des gâteaux, des cocos, des fruits de diverses espèces. Les vaches, troublées par les honneurs qu'on leur rend, épouvantées par les objets sans nombre dont on a chargé leurs cornes, se débattent et dispersent autour d'elles les fruits, les gâteaux, les fleurs, les branches d'arbres. Alors la foule ramasse ces précieux débris et les mange avidement comme une manne sacrée. Il y a dans cette fête quelque chose de touchant et de grotesque. N'est-il pas juste que les bœufs, après les travaux du labourage, reçoivent les hommages de ceux dont ils ont préparé la récolte? Et les vaches, qui par leur lait fournissent une nourriture abondante et saine aux populations si sobres de l'Inde, n'ont-elles pas le droit de se voir parées, attifées, traitées avec égard au moins un seul jour dans l'année par les laboureurs dont elles font la richesse? Mais ces pauvres animaux, que ne tourmentent ni le sentiment de la vanité ni celui de la coquetterie, se montrent peu sensibles aux honneurs qu'on leur rend. L'œil hébété, la langue pendante, ils s'en vont au hasard, beuglant et galopant, embarrassés dans leur course par ces ornements importuns qu'ils ont hâte de jeter au vent. Les idolâtres ont beau les honorer comme des divinités, se prosterner dans la poussière devant eux et regarder comme sacré tout ce qui sort de leur corps, ces honnêtes quadrupèdes ne se montrent ni plus fiers ni moins gauches dans leurs allures. Mêlés à la foule, Devadatta suivait d'un œil moins attristé cette fête pastorale, naïve et décente à ses débuts. Il caressait au passage les vaches effarouchées qui s'arrêtaient par instants, baissaient la tête et frappaient la terre de leurs pieds fourchus. Mais bientôt de nouveaux cris se firent entendre. « au champ, les bâches !» C'était la folie qui succédait à la joie. Les bâches, conduites en troupe hors du village par toute la population rassemblée, furent poussées de droite et de gauche à travers la campagne. Un tapage assourdissant de gongs, de trompettes, de tambours de toutes formes ébranla les échos des collines, et les pauvres bêtes épouvantées se dispersèrent en désordre, foulant les récoltes, culbutant les clôtures des champs. qu'elles s'en aillent paître où bon leur semble. Qu'elles commettent toutes sortes de dégâts dans les cultures, elles sont libres, personne n'osant les arrêter dans leur fuite. Puis, quand les vaches ont disparu, chassées à grand bruit par ceux-là même qui se prosternaient devant elles quelques heures auparavant, les idoles sont retirées du sanctuaire et promenées solennellement sur leurs chars au son de cette même musique infernale qui a effrayé le bétail. Les danseuses du temple marchent en tête du cortège. Cette fois, la folie fait place au délire, qui se trahit dans les poses effrontées de ces femmes, devenues le point de mire de tous les regards, car elles sont toujours choisies parmi les plus jeunes et les plus jolies. Tandis qu'elles édifient la foule par leurs chants voluptueux, on s'occupe de ramener les bâches à l'étable, puis l'idole est remisée, et la fête du Pongol se termine au milieu des acclamations de ce peuple idolâtre, fatalement épris d'un culte qui ne met jamais dans ses cérémonies de flatter la sensualité et d'exciter les passions. Le lendemain, tout rentrait dans le calme, et les laboureurs allaient reprendre leurs travaux interrompus depuis 3 jours, lorsqu'une rumeur sinistre se répandit dans le village de Kombakonam. Un grand crime, disait-on, avait été commis durant la nuit. Parmi les vaches décorées la veille avec tant de soin, puis lancées dans la campagne, il en manquait une. Et la bête sacrée avait été tuée par les chrétiens de Tiruvelli. Les brahmanes, prenant parti pour l'animal objet de leur vénération, jetèrent des cris de détresse. La population s'assembla tumultueusement. Il fut résolu que, pour venger les dieux outragés par le meurtre d'une vache, on marcherait contre les chrétiens auteurs de cet odieux sacrilège. L'indignation était à son comble. Une animation extraordinaire régnait dans le village et dans les environs. Devadatta ne put s'empêcher de sourire d'abord à la vue de cette colère subite, qui changeait en furieux les paisibles habitants de Kombakonam au lendemain de la joyeuse fête du Pongol. Mais il ne tarda point à se convaincre que la foule, excitée par les brahmanes, pourrait bien se porter aux dernières extrémités. Cette pensée l'effraya, et il sortit spontanément de la neutralité dans laquelle il trouvait plus facile de se tenir enfermé. Pour qui allait-il prendre parti dans cette lutte du plus fort contre le plus faible? La population exaspérée se disposait à se mettre en marche pour aller châtier les chrétiens lorsque Devadatta s'avança hardiment. « Êtes-vous sûr que les gens de Tiruvelli ont commis le crime dont vous les accusez ?» demanda-t-il. De sauvages clameurs lui répondirent, et il comprit tout de suite qu'il était impossible d'arrêter ce peuple excité par ces brahmanes et avide de vengeance, faisant alors un geste solennel. « Eh bien, dit-il, suivez-moi. » Devadatta était jeune, alerte. D'un pas rapide, il s'avance seul en avant, poussé par le courageux désir non d'attaquer le premier, mais de sauver, s'il se peut, les gens de Tiruvelli. Ne les connaît-il pas tous? Ne les a-t-il pas longtemps nommés ses frères? N'a-t-il pas appris au milieu d'eux que la vraie grandeur consiste à se dévouer pour le salut d'autrui? Il ne se demande point si la foi qu'il a désertée s'est tout à coup ranimée dans son cœur, si ce n'est pas la charité qui le guide. Il vole vers ce village sans défense, qu'une horde aveugle dans sa haine veut envahir et saccager. Là est Nani, la jeune fille qu'il n'a pu oublier, et devant laquelle il n'osait plus reparaître, et lui, qui la veille encore, découragé, ennuyé du présent et redoutant l'avenir, flottait au gré de ses rêves attristés, le voilà plein d'énergie. Il n'hésite plus. Du fond de sa conscience qui sommeillait, une voix s'est élevée qui lui crie « Déoda, tes frères t'appellent !» Les habitants de Tiruvelli ne soupçonnaient rien de ce qui se tramait contre eux. Ils n'avaient pas même repoussé les vaches errantes que le vacarme de la musique païenne avait chassées jusque sur leur territoire. C'était fête aussi chez eux ce jour-là. C'était la grande fête de la Noël, et tous réunis dans l'église, ils la célébraient pieusement. L'office allait finir lorsque Devadatta, qui n'avait pas un seul instant ralenti sa course précipitée, parut devant la porte du temple chrétien. À ce moment, le père Joseph levait la main pour bénir les fidèles agenouillés. Sa voix défaillante se faisait à peine entendre au milieu du silence. Il tenait les yeux levés vers le ciel. Quand il les abaissa sur la foule, un cri s'échappa de sa poitrine. « Pas d'idolâtre ici !» Devadatta, haletant, le front couvert de sueur, inclina sa tête et d'une voix émue. « Padre !» s'écria-t-il. « Et vous tous, frères, écoutez-moi. L'ennemi arrive. Vous êtes perdus !» En un instant, l'église fut vide. « Déoda, c'est Déoda !» répétait-on de tous côtés, et les chrétiens se pressaient autour du père Joseph qui s'entretenait avec son ancien disciple. La vieille Monique était là, debout, transie de crainte, serrant dans ses bras la petite Nanny qui fixait ses yeux troublés sur Devadatta. « Nous n'avons pas tué la vache dont tu parles, » dit tout à coup un laboureur. « Arrivée sur le territoire de notre village, elle s'est embarrassée dans un buisson et cette nuit les chacals l'ont attaquée. Voilà la vérité. » « Le temps presse, mes enfants, » interrompit le père Joseph. « Nous ne ferons pas entendre raison à ces païens. Que chacun de vous s'enfuit dans la campagne en emportant ce qu'il a de plus précieux. »« Padre, » dit Devadatta, « vous êtes accablé par l'âge. »« Comment pourrez-vous fuir ? Moi, » répondit le vieillard, « je resterai. Que mon troupeau échappe à la mort et je mourrai tranquille. » Tandis que les gens de Tirivelli se dispersaient au loin, ceux de Combaconam commençaient à paraître. Un nuage de poussière enveloppait la troupe ennemie conduite par les brahmanes. Quand l'église du village chrétien se montra à leur regard, ceux-ci éclatèrent en invectives. « Voilà leur prêtre !» s'écrièrent-ils en montrant du doigt le père Joseph. « Voilà celui qui a fait tout le mal. Tiens-le bien, Devadatta, mort à celui qui a tué la vache !»« Mais toi ?» demanda le père Joseph à son ancien disciple. « Que fais-tu à mes côtés ? Ne vois-tu pas qu'ils vont tourner contre moi toute leur fureur ? Retire-toi » « Ôte-toi de là, Devadatta !» s'écrièrent leur tour les brahmanes. « Les pierres lancées par ceux qui nous suivent vont pleuvoir sur toi. Qu'ils frappent !» répondit Devadatta en couvrant de son corps le vieux prêtre. « Et vous-même, frappez aussi. Je ne bougerai pas de cette place. En vérité, je vous dis que les chrétiens n'ont pas commis la faute que vous leur reprochez. La vache a été dévorée par les bêtes sauvages. « Mensonge ! Mensonge !» répétèrent les brahmanes et ceux qui les entouraient. « C'est une ruse pour nous éloigner. Devadatta, tu n'es qu'un traître. » Les gens de Combaconam n'étaient pas venus de si loin pour renoncer à leur vengeance. Quelques-uns mirent le feu aux premières cabanes du village, d'autres ramassèrent des pierres pour les lancer sur le père Joseph. Une grêle de cailloux siffla dans l'air, mais aucun ne porta. Cette foule, aveuglée par la passion, dirigeait ses coups au hasard. Le père Joseph fit le signe de la croix. « Il a fait un geste pour invoquer son Dieu, » dirent quelques hindous, « mais nos divinités sont plus puissantes que la sienne. » Parlant ainsi, ils renouvelèrent leur attaque, et Devadatta, atteint au front, tomba aux pieds du père Joseph, rougissant la terre de son sang. À cette vue, les assaillants épouvantés prirent la fuite. Celui qui gisait sanglant devant eux était lui-même un brahmane, et pour venger la mort d'un animal sacré, ils avaient frappé un deux fois né. Une image vivante de la divinité. Ils abandonnèrent donc le champ de bataille, honteux et déconcertés comme des vaincus. Une terreur superstitieuse s'était emparée de ces hindous à l'esprit mobile, plus sujet que les autres peuples aux paniques subites. Dès que l'ennemi commença de battre en retraite, les chrétiens se hâtèrent de rentrer au village pour éteindre le feu qui consumait çà et là quelques chaumières. Penchés sur le blessé, le père Joseph cherchait à étancher le sang qui coulait du front de celui-ci. Monique accourut vers le padre, et voyant le jeune homme à terre et sans mouvement, elle appela quelques femmes qui l'aidèrent à l'emporter dans sa maison. « Déoda, mon cher enfant, toi que j'ai bercé tout petit dans mes bras, » disait-elle en versant des larmes. Déoda ouvrit les yeux et prit les mains de la vieille Monique, qui, à force de laver le sang dont son front était couvert, en avait effacé les trois lignes symboles de l'idolâtrie. « Ma mère, » dit-il d'une voix faible, « vous m'aimez donc toujours ?»« Mon cher fils, » dit le père Joseph en s'approchant de lui, « il ne s'est pas passé un seul jour que ton nom n'ait été prononcé dans nos prières. Mais garde le silence. Ta blessure demande du repos et des soins. » Pendant une semaine, la vie de Déoda fut en danger. Monique, assise près de lui, le veillait avec une sollicitude maternelle, et souvent, lorsqu'il était endormi, Nanny, s'approchant doucement de la porte, venait demander des nouvelles de celui qu'elle n'osait plus nommer son frère. La jeune fille était devenue grande. Modestement vêtue de la longue pièce de toile qui couvre les chrétiennes de l'Inde, depuis l'épaule jusqu'à la cheville, elle se faisait remarquer au milieu de ses compagnes par la grâce naïve de son maintien. Cette dignité un peu sauvage, particulière aux femmes de l'Inde, était tempérée en elle par l'effet d'une éducation chrétienne. On eût dit une antilope des jungles, mais apprivoisée, quoique timide encore. Sa peau, d'un brun foncé, avait juste assez de transparence pour que la rougeur causée par l'émotion se laissât deviner sur ses joues. Aussi, lorsque Devadatta, redevenu le Déodat des premiers jours pour tous ses anciens amis, commença enfin à se remettre de sa blessure, il demeura comme ébloui par les charmes de la jeune fille. La convalescence est un temps propice aux sentiments doux et affectueux. Les furtives et discrètes apparitions de Nanny ne firent que rendre plus vif encore l'amour qu'il éprouvait pour elle. Cependant, on s'inquiétait à Chilambaram de l'absence prolongée de Devadatta. Un jour qu'il était assis sur le seuil de la porte auprès de la vieille Monique, le Purohita se montra tout à coup devant lui. « Salut à toi, Devadatta, » lui dit-il. « Je suis venu pour t'emmener. Es-tu en état de me suivre ?»« Ma blessure est en voie de guérison, » répondit le jeune homme, « mais je ne vous suivrai pas. »« Insensé, » dit le Purohita, « n'es-tu pas mon fils par la voie de l'adoption ?» Nous t'attendons tous là-bas. Non, répliqua Déodat. Aucun lien sérieux ne m'unit à vous. Vous avez usé de fraude pour me retenir dans vos pagodes. Ingrat, fils ingrat, s'écria le Purohita. Ne t'ai-je pas déclaré héritier de mes biens? N'as-tu pas joui près de moi de tous les bonheurs de la vie? Hélas, ce que vous dites est vrai, répondit le jeune homme. Vous m'avez associé à votre existence agréable et facile. Mais encore une fois, je ne puis vous appartenir. Puis, le père Joseph ayant paru sur le seuil de la porte, « Tenez, ajouta-t-il, voilà mon père, et cette femme vénérable qui m'a élevé avec tant de tendresse, cette femme est vraiment ma mère. »« Il est fou, » murmura le Purohita. « On l'a ensorcelé ici. Voyons, Devadatta, fils de Brahman par la naissance et par l'adoption, veux-tu pourrir dans ce misérable hameau ?»« Je veux y vivre. Ici, on sait aimer ses semblables. Prends garde !» interrompit le Purohita d'un ton de colère. « Nous saurons bien t'arracher de ce lieu où tu as causé tant de scandales à toute notre caste. »« Ceux de Kumbakonam avaient raison de le dire. Tu as perdu la tête et tu as juré de nous couvrir de honte. »« Je voulais déclarer au nom de ma conscience et avec la plénitude de ma raison, » reprit tranquillement Déodat. « J'ai retrouvé ici la famille que vos conseils perfides m'avaient fait abandonner. Je ne la quitterai plus désormais. Oui, j'ai près de moi dans ce village un père et une mère. Tous les habitants de Tiriveli sont pour moi des frères, entendez-vous ? » Le Purohita demeurait confondu de tant de folie et d'audace. À ses yeux, Déodat n'était qu'un fou, et il s'éloigna en répétant « Pauvre insensé, tu renaîtras dans le corps d'un hibou, et tu pousseras la nuit à travers les forêts ce cri sinistre qui ressemble à la voix d'un désespéré. » « Ma mère, » dit Déodat à la vieille Monique, tandis que le brahman sortirait avec une lenteur affectée, « et vous, padre, vous avez entendu mes paroles. Voulez-vous de moi? Me pardonnez-vous ma fuite en pays ennemi? Oui. Eh bien, un mot encore. Nanny a été pour moi une sœur. Dites-lui que je l'aime autrement désormais. » Mon fils, dit le père Joseph, tu ne serais pas en sûreté parmi nous. Il faut que tu t'éloignes pour quelque temps, répliqua Déodat. M'en aller d'ici? Oui, pour un temps, il le faut. Tu reviendras, mon enfant. Si je suis mort, car ma fin approche, la bonne Monique te recevra une fois encore sous son toit. Mais non, ton absence ne sera pas longue. Tu reviendras bientôt, Déodat. Et j'espère que je pourrai, avant de fermer les yeux, bénir ton union avec celle que tu choisis pour ta compagne. Les prévisions du père Joseph se réalisèrent. Après quelques mois d'absence, Déodat revint à Tiriveli. La colère des brahmanes s'était apaisée. D'ailleurs, pour se consoler de leur défaite, ils firent semblant de croire que Déodat était réellement fou. Ils le répétèrent si souvent qu'ils finirent peut-être par se le persuader. Le père Joseph, accablé d'années, put unir par le lien indissoluble du mariage Déodat et Nanny, et peu de jours après, il s'éteignit doucement au milieu des larmes et des bénédictions de tous ses chers enfants de Tiriveli. Avant de mourir, il avait songé à placer convenablement le jeune couple. Un emploi honorable attendait Déodat dans la ville de Pondichéry. Le jour fixé pour le départ, un petit chariot couvert, attelé de deux bœufs blancs aux fines cornes, au dos bossu, fut amené devant la porte. C'était l'équipage qui allait conduire Déodat et sa femme dans la capitale des établissements français. La vieille Monique, désormais trop âgée pour continuer à Tiriveli ses pieuses fonctions de mère des pauvres et des orphelins, suivit les jeunes époux. Elle prit place au fond du chariot, à côté de Nanny. Déodat, assis sur le timon, les jambes croisées, excitait les bœufs du geste et de la voix. De temps à autre, il tournait la tête en arrière pour regarder Nanny, qui lui répondait par un sourire. Ils voyagèrent ainsi à petite journée. Chilimbaram se trouvait sur leur route. Mais Déoda eut soin d'y passer pendant la nuit. Le souvenir du séjour qu'il y avait fait lui était devenu insupportable. Après avoir traversé le gros village de Kudalore, planté de beaux arbres, et la rivière Daryakupam, dont les rives sablonneuses sont semées de palmiers sauvages, le chariot roula sur la grande route ombragée qui annonce les abords de Pondichéry. Tout à coup, un sourd murmure retentit aux oreilles de Nani, et une immense étendue, aussi bleue que le ciel, se déploya à ses regards surpris. « Qu'est-ce cela ? » demanda-t-elle en se penchant vers Déoda. « C'est la mer, » répondit-il. « Et ce qui flotte là-bas ? C'est le pavillon de la France, du pays qui nous a envoyé notre meilleur ami, pauvre père Joseph. » Quelques moments après, le chariot débouchait sur la magnifique place au milieu de laquelle s'élevait le palais du gouverneur. Déoda, faisant tourner à gauche ses petits bœufs fringants, se dirigea vers cet assemblage confus de maisons blanches et de huttes sombres, à moitié cachées sous les cocotiers et les manguiers, que l'on nomme la ville noire. Il s'arrêta tout près de l'église des missions, devant une porte marquée d'une croix. C'était la demeure de l'évêque et le presbytère. La vieille Monique y fut accueillie avec les égards dus à ses vertus à son âge, Déoda et Nani avec l'intérêt qu'inspire un jeune couple qui s'aime. Puis on les conduisit dans la maison qui leur avait été préparée, habitation gracieuse et simple, adossée à un jardin où mûrissaient les bananes, les pamplemousses et les cocos. Il y avait là encore autour d'eux des pagodes, où se célébraient les fêtes tumultueuses du paganisme. Mais le bruit de ces cérémonies extravagantes ne troublait plus l'imagination calmée du néophyte. Déoda, installé tout le jour chez un négociant dont il écrivait les contes en tamoul et en français, maniant le calam et la plume avec une égale aisance, rentrait chaque soir plein de joie dans sa paisible retraite, où il était sûr de retrouver les deux grands biens de la vie, l'affection d'une mère et la tendresse d'une femme aimée. Ainsi s'achève Devadatta, scènes et récits de la vie hindoue, de Théodore Pavie.